إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. En passant, mes amis, subhanallah, juste le fait de mentionner cette passage-là, pour mentionner, on a discuté l'autre jour avec un des gens de la secte des Ahbash. Et là, il essayait de discuter avec nous sur ce sujet-là, justement. Donc, il disait qu'il y avait des bonnes bid'ah et des mauvaises bid'ah. Et donc, pour donner l'exemple de ça, il avait donné l'exemple du Tarawih. Il a dit le prophète Omar ibn al-Khattab, durant son époque, il a fait les gens prier derrière un seul imam et il a dit Ni'matul bid'a hadhihi. Hein? Donc, il se basait sur la parole de Omar. Cette parole de Omar pour essayer de dire ça prouve qu'il y a des bonnes et des mauvaises bid'a. Alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, premièrement, je lui ai expliqué que le tarawih, c'est pas une bid'a, puisque ça a été fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant trois nuits, durant le ramadan, il a prié avec les musulmans et a fait le tarawih. À la fin de la troisième nuit, il a dit, il n'est pas sorti de chez lui. Alors que les musulmans, les sahaba étaient assis devant sa porte, attendaient qu'il sorte. Et ils ont commencé à lancer des pierres dans sa porte pour faire comprendre qu'il l'attendait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il était un peu fâché et il leur a dit je ne veux pas continuer à prier avec vous la nuit comme ça parce que j'ai peur que Allah le rende obligatoire pour vous et que vous ne soyez pas capable de continuer à le faire. Alors il a cessé de le faire jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Après la période du khilafat d'Abu Bakr, c'est-à-dire radiyallahu anhu, les gens avaient encore continuer à prier séparément durant le ramadan, c'est-à-dire ils n'ont pas repris la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appliquée durant sa vie. Ils avaient laissé tomber cette sunna. C'est uniquement lors du khilafat d'Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a vu que les gens priaient comme ça séparément dans la mosquée durant le ramadan, la nuit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de réunir tous les gens derrière un seul imam et à refaire la même sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait durant trois nuits durant sa vie. Alors, lorsqu'il a fait ça, il a dit ni'matul bid'a hadhihi. Mais lorsqu'il a dit ni'matul bid'a hadhihi, quelle belle bid'a que celle-ci, ça ne veut pas dire qu'il utilisait le mot bid'a dans le sens connu dans l'islam. Il utilisait le mot bid'a dans le sens linguistique, c'est-à-dire que c'était une innovation au sens linguistique, alors qu'en réalité, ça fait partie de la sunna. Donc ça ne peut pas être une bid'a. Et la définition d'une bid'a, c'est quelque chose qui n'a pas été fait ni enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni par les sahaba. C'est quelque chose qui est fait pour imiter la charia, dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça qui distingue une bid'a dans l'adoration, puis une bid'a qui est fait dans les choses de la vie. Comme il y a des innovations technologiques, comme on en a déjà parlé, et ces choses-là font partie, il y en a parmi elles qui sont halal et d'autres qui sont haram. d'autres qui sont makrouh, etc. Donc, tandis que les bid'a dans la religion sont toutes innovations. Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il a, quand je lui ai mentionné le hadith, kullu bid'atin dalala, c'est-à-dire toutes les bid'a sont égarements. Et lui, il m'a dit pour essayer de yani, répondre à ce que je lui disais, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, Allahu alam si c'est vraiment un hadith, mais il m'a cité une parole qu'il a attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il disait, kullu aynun zaniya, tout œil, c'est l'adultère. Alors, il essayait de me montrer que c'est pas tout le temps que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné toute chose, lorsqu'il mentionne que toute chose est telle façon, comme par exemple toute bid'a est égarement, là il disait tout œil est adultère, fait l'adultère, donc il essaie de me montrer que ce n'est pas toujours au sens général. Des fois il y a des restrictions dans cette généralité-là. Alors il m'a donné cet exemple, et lorsqu'il m'a donné cet exemple, il a dit, ok, est-ce que tout aïm zaniya, il m'a dit, mais est-ce que même l'œil du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'adultère? Bien entendu, un musulman n'ose pas dire une chose pareille, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves, d'accord? Et encore là, il y a des preuves que l'œil du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas le zina, et qu'il est ma'soum, il est protégé de ces péchés-là. Alors, sur le coup, j'étais un peu surpris parce que je ne m'attendais pas à un argument pareil. Mais plus tard après, je suis retourné dans le livre, et j'ai lu le livre d'Ibn Taymiyyah, est-ce dans Sirat al-Mustaqim, et dans ce livre-là, il a discuté de ce point-là en détail, il a vraiment bien analysé l'affaire, et c'est là que j'ai découvert la réponse, en fait, à sa question, ou à sa shubha, c'est qu'en réalité, on ne peut pas, s'il dit que, par exemple, ce n'est pas toutes les bid'a qui sont mauvaises, il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont mauvaises, il faut qu'il y ait une référence pour essayer de prouver laquelle d'entre elles est bonne et ou laquelle d'entre elles est mauvaise. Donc cette référence-là, elle ne peut qu'être uniquement de la charia, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc, dans le cas de Ramadan, on sait que ça fait partie de la Sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ok? Oui, dans le cas du Tarawih, on sait que ça fait partie de la Sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, le Tarawih. Mais là, l'exemple qu'il donnait, Kullu aynin zaniya, on peut dire qu'il y a une preuve, oui, qu'il y a une exception, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas inclus là-dedans, puisque, yani, on sait qu'il est ma'soum, il y a une preuve de ça. Donc, c'est la même chose, en fait, si tu veux dire qu'il y a quelque chose qui vient, que Kullu bid'atin dalala, c'est pas au sens général, qu'il y a des exceptions là-dedans, qu'il y en a des bid'a qui ne sont pas dans l'ala, il faut amener une preuve. Exactement. Et là, il n'est pas capable d'amener un exemple d'une bid'a qui n'est pas dans l'ala et qui a une référence dans la Sunna. Il n'est pas capable d'en apporter. L'exemple qu'il avait amené à propos de Ramadan, c'était un mauvais exemple puisqu'elle existe dans la Sunna. Elle a une référence qui prouve que et elle n'est pas une bid'a. Alors, étant donné qu'il n'est pas capable d'amener un exemple d'une bid'a qui est bonne, ou qui a une référence dans la sunna, c'est contradictoire en fait. Donc, c'est juste pour expliquer ça, c'est juste que sur le coup là, il m'avait dit ça, puis quand j'ai mentionné ça dans le Khutbatul Hajj, dans l'introduction, ça m'a rappelé de ça, j'avais envie de partager ça avec vous. Et si quelqu'un vous dit un jour là, Kullu aynin zaniya, tout œil est fait l'adultère là, et bien vous pouvez lui dire oui, c'est vrai, peut-être qu'il y a des exceptions, et cette exception là, elle est basée sur une preuve, elle n'est pas basée juste sur le fait que, il y a une chose comme ça, non. Il y a une preuve claire que le prophète en somme, il est infaillible et qu'il ne tombe pas dans le péché. Mais amenez une preuve, vous, que d'autres formes de bid'a, ne font pas des égarements et m'ont amené des preuves du Coran et de la Sunna pour essayer de la justifier ou montrer qu'elle n'est pas dalal. D'accord? Donc il y a ça. Et puis, pour revenir au sujet du cours où on est on a commencé déjà à parler du sujet, on est rendu au chapitre, à la troisième catégorie du Tawhid, Tawhid de l'Asma et au Sifat. Alors, donc on avait expliqué que, on a parlé des trois catégories, des deux catégories précédentes. On a expliqué leur importance vis-à-vis du Tawhid. Et là, on avait commencé une introduction au sujet de Tawhid de l'Asma et Sifat, et on a expliqué un peu c'était quoi Al-Asha'ira, Al-Asha'ariya, Abu al-Hasan Al-Asha'ari, c'était qui, et qu'il y avait des conflits au sujet des noms et des attributs d'Allah. On avait commencé à lire une feuille que j'avais ramenée, qui parlait de ça, mais là, aujourd'hui, on va commencer. On va continuer on va sauter cette partie et on revient au livre du chef Al-Fawzan pour continuer, Inch'Allah, là où on en était rendu. Le chef il dit, وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ عَنْهُ أو عُرِفَ عَنْهُ إِنْكَارُ الصِّفَاتِ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ بَعْضُ مُشْرِكِ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ قَوْلُهُ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وسبب نزول هذه الآية أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وذكر ابن جرير أن ذلك كان في صلح الحديبية حين كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش أما الرحمن فلا نعرفه. نعم donc le chef il explique que les premières personnes qui ont été connues comme étant des gens qui essaient de nier les attributs d'Allah ou les attributs d'Allah SWT et le nom d'Allah sont certains des mushrikines parmi les Arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah sallallahu alayhi wa sallam a révélé un verset dans le Coran à leur sujet. C'est ainsi que nous avons envoyé dans une nation laquelle il y a eu d'autres nations avant elle pour que tu leur récites ce que nous avons révélé, et eux et ces gens-là refusent de croire en Ar-Rahman. Ils refusent de croire en Ar-Rahman, Yafuruna Bir-Rahman. Et la cause de la révélation de ce verset, c'est que Quraysh, lorsqu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionner Ar-Rahman, le nom de Ar-Rahman, ils ont refusé de croire en ce nom. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, Wahum Yafuruna Bir-Rahman, c'est-à-dire ils refusent de croire en Ar-Rahman. Alors, Ibn Jarir, al-Tabari, dans son tafsir, il a mentionné que c'était durant le pacte ou l'entente, le traité de paix de Al-Hudaybiyah, lorsqu'ils ont fait le traité de Al-Hudaybiyah. Le scribe avait écrit Bismillahir Rahmanir Rahim sur le traité et Quraysh, la tribu de Quraysh, ils ont dit, nous on ne connaît pas Ar-Rahman. Il avait écrit Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, ils ont refusé que le scribe écrive Ar-Rahman. Ils ont dit, nous on ne connaît pas ça Ar-Rahman. Et après, le cheikh il dit, Rawa ibn Jarir aydan an ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'u sajidan, yaqulu ya Rahman ya Rahim, faqala al-mushrikun. هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى أو مثنى. فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فهؤلاء هم سلف الجهمية والأشاعرة في إنكار أسماء الله وصفاته. وبئس السلف لبئس الخلف. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Donc, après, le chef il mentionne que Ibn Jarir al-Tabari, il a rapporté, selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il était prosterné, et il disait Ya Rahman, Ya Rahim, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux. Alors les mouchrikoun, les idolâtres, ils disaient, regarde celui-là, il croit qu'il invoque un seul Dieu, alors qu'il invoque deux. Il invoque Rahman et Rahim, comme s'il essayait de dire que, comme s'il invoque deux noms différents, donc ça implique qu'il invoquait deux dieux différents. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset suivant, alors il a dit, invoquer Allah ou invoquer Ar-Rahman, peu importe par lequel de ces noms vous allez l'invoquer, il a les plus beaux noms. À lui appartient les plus beaux noms. Et dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et lorsqu'on leur dit, prosternez-vous à Ar-Rahman, au tout miséricordieux, ils disent, mais qui est Ar-Rahman? C'est-à-dire, ils essaient de nier le fait de reconnaître le nom d'Allah comme étant Ar-Rahman. Et le chef, il dit, et ceux-là sont les prédécesseurs des gens de la secte de Al-Jahmiyyah, les gens qui ont suivi Al-Jahm ibn Safwan, celui qui avait nié les noms et les attributs d'Allah, et ce sont aussi les salafs ou les prédécesseurs des Asha'ira, la secte des Asha'ira qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chef il dit, ce sont leurs prédécesseurs qui les ont précédés dans la négation des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel mauvais prédécesseur pour une mauvaise descendance, c'est comme si il utilise une formule ici, bien sûr, c'est le khalaf. C'est comme s'il essaie de dire, c'est des mauvais prédécesseurs pour une mauvaise progéniture, Donc, ni les prédécesseurs sont bons, ni ceux qui les ont suivis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Donc, il y en a des gens parmi les musulmans d'aujourd'hui, là, des penseurs ou quoi, qui pensent que ça, c'est des débats ou des idées qui ont été enterrées par l'histoire et puis par le temps, et que c'est, pour eux, ils considèrent que c'est inutile de ramener ces débats ou ces questions actuellement. Et alors qu'en réalité, ces idées-là existent toujours. Elles ne sont pas des idées enterrées par l'histoire comme ils prétendent. Il y a toujours des idées qui sont encore propagées par certains groupes parmi les musulmans aujourd'hui et supportées et défendues, comme par exemple Al-Ahbash. Ils sont un groupe là aujourd'hui qui sont en train d'appeler les gens à suivre ces idées-là. Et il y a aussi parmi les grandes universités du monde musulman qui enseignent cette aqida comme étant la croyance des musulmans ou de Ahl-Sunnah. Il y en a dans les pays musulmans, comme Al-Azhar par exemple, ou les universités aussi en Maroc, ou en Tunisie, en Algérie, et dans beaucoup de pays musulmans, c'est l'aqida al-Ash'ariya que les gens étudient, et non pas l'aqida des salafs. C'est pour ça que c'est important de revenir à ces bases-là. Et même que si on regarde la façon des athées d'essayer de nier Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Alhamdulillah, Yarhamukallah. Donc, si on regarde leur méthode, on va voir qu'en réalité, ils se basent même sur certaines des bid'ahs, Mu'tazila ou des Asha'ira ou des Al-Jahmiyyah pour nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme à la source de l'athéisme, là, c'est ça. La négation d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs et ses noms. Donc, celui qui nie les noms et les attributs d'Allah, c'est comme si c'est une forme d'athéisme. Il essaie de nier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il continue, il dit, أما الرسل وأتباعهم خصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والذين اتبعوهم بإحسان فهم يصفون الله بما وصف به نفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه وينكرون على من يخالف هذا المنهج. Donc, le cheikh il dit, en ce qui concerne les messagers et ceux qui les ont suivis, et en particulier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien, alors ceux-là, ils décrivent Allah sallallahu alayhi wa sallam comme Allah s'est décrit lui-même, et ils nient à Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou ils nient à propos d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié à son sujet, ou il nie ce qu'il a nié de lui-même, ou à propos de lui-même, mais yani, ils ne vont pas plus loin que ça. Et ils répondent à ceux qui ont contredit à cette méthode. Ça, c'est la base du manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Ce que Allah a affirmé dans son livre, on l'affirme. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans la Sunnah à propos d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on l'affirme. Mais ce que Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos de lui-même et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos d'Allah, alors on le nie aussi. Ça, c'est la base, c'est la règle de base sur laquelle on suit, là-dessus, les salafs, et on suit aussi là-dessus l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé dans le Coran. Et on va voir beaucoup d'exemples de ça, inshallah, dans qu'est-ce que le cheikh va citer plus tard. Après, le cheikh il dit, وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن طاووس يعني أدي تابعين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وعليكم السلام. الله يسير ايش بقال من جوحي يلعب يوم الساش. Inch'Allah, c'est bon ça. Alhamdulillah. Donc, نعم, انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يشير رضي الله عنه إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس بأنهم إذا سمعوا شيئا من نصوص الصفات وهي من المحكم حصل معهم فرق أي خوف وانتقضوا كالمنكرين لها فهم كالذين قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فيدعون المحكم ويتبعون المتشابه فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ونصوص الصفات من المحكم لا من المتشابه يقرأها المسلمون ويتدارسونها ويفهمون معناها ولا ينكرون منها شيئا. نعم. Donc le cheikh il mentionne une chose qui a été rapportée selon Ibn Abbas radiallahu anhu, dans lequel il dit qu'il a vu un homme qui s'est intafada, je sais pas si c'est la bonne expression pour traduire ça, peut-être il s'est choqué, non c'est pas choqué, d'après moi il s'est révolté. C'est comme s'il s'est révolté d'après moi. Oui, hein? Ouais. C'est comme Alim Kifar en Palestine. Ça vient, oui. Il s'est révolté comme ça. Lorsqu'il a entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des attributs d'Allah, comme s'il il n'est pas d'accord avec ces hadiths qui mentionnent les attributs d'Allah. Alors Ibn Abbas a dit, de quoi ils ont peur ceux-là? Lorsqu'ils entendent les versets qui sont clairs du Coran, ils trouvent que ça adoucit leur cœur et puis ils sont en paix. Mais lorsqu'ils entendent les versets qui ont rapport avec les noms d'Allah et les attributs, ou Al-Mutashabih, ils tombent dans la perdition. Et ils voulaient dire, à ce sujet-là, il parlait des gens parmi les musulmans qui assistaient à ces cours ou qui assistaient à ces durus, et puis lorsqu'ils entendaient les versets qui parlent des attributs d'Allah, alors que ça fait partie des versets qui sont clairs, ils trouvaient une crainte lorsqu'ils entendaient ces versets-là, et ils agissaient comme si d'une façon pour essayer de se révolter ou d'essayer de se montrer qu'ils sont contre le fait de mentionner ces hadiths. Hein? Alors, ils sont comme ceux que Allah a décrit dans le verset en ce qui concerne ceux qui ont une maladie ou qui ont une déviation dans leur cœur. Ils suivent ceux qui a un sens et un verset qui un sens qui un verset qui a plusieurs sens et qui a un sens équivoque, qui n'est pas un sens clair, qui peut interpréter de diverses façons, et ils suivent ces versets-là seulement, et ils laissent tomber les versets qui sont explicites, parce qu'ils cherchent la fitna, c'est-à-dire ils cherchent à créer des problèmes ou des troubles, et ils veulent essayer de les interpréter d'une certaine façon, qui est contraire à la réalité. Donc, ils laissent tomber les versets qui sont explicites, qui sont clairs, et ils suivent les versets qui sont ambigus, hein, et ils croient en une partie du livre, et ils rejettent l'autre partie. Donc, le chef il dit, tandis que les versets qui parlent des attributs d'Allah font partie des versets explicites, et non des versets qui sont ambigus. Hein. Alors, les musulmans récitent ces versets-là, et ils les étudient, et ils les comprennent. Ils comprennent leur signification et ils ne rejettent rien de ces attributs-là. Et après, ils mentionnent une parole d'un des imams d'Al-Sunnah, qui était le chef de plusieurs parmi les imams, comme Al-Shafi'i et d'autres, qu'on appelle Waqi'. Et il dit, « Qala Waqi' adrakna al-a'mash wa sufyan yuhadithuna bihadhi al-ahadith, yani ahadith al-sifat, ولا ينكرونها. Donc, Waqi, subhanallah, imaginez, c'était le cheikh, un des shuyukh de l'imam al-Shafi'i. On sait que l'imam al-Shafi'i, c'est un des quatre imams des mazahib. Donc, imaginez un peu son statut, et imaginez que lui, c'était son cheikh. Et l'imam Waqi, et lui, il parle de ses shuyukh à lui, c'est-à-dire Sufyan al-Thawri, et il mentionne aussi al-A'mash. Donc il parle de deux savants qui étaient avant lui, il dit ceux-là, il récitait ces hadiths-là et il citait ces hadiths-là, les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, et il n'en rejetait rien, c'est-à-dire il les acceptait tous, il les mentionnait sans aucun problème, d'accord. Donc, subhanallah, après il dit, الشيخ وإنما ينكرها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ساروا على منهج مشرك قريش الذين يكفرون بالرحمن ويلحدون في أسماء الله. وقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه الأسماء الحسنى وأمر أن يدعى بها. وكيف يدعى بها أو كيف يدعى بما لا يسمى به ولا يفهم معناه على زعم هؤلاء؟ فتواعد الذين يلحدون في أسمائه وينفونها عنه أو يؤولونها عن معانيها الصحيحة بأنه سيجزيهم على عملهم بالعقاب والعذاب كما وصفهم بالكفر في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. فلهذا كفر الجهمية كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. نعم. Donc le cheikh il dit, les gens qui nient ces hadiths là, qui nient les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont uniquement les gens de bid'ah, parmi Al-Jahmiya, ce qu'on a parlé la dernière fois, ceux qui suivent Al-Jahmiya ibn Safwan, et ceux qui suivent Al-Mu'tazila, et Al-Asha'ira, ceux qui ont suivi le Manhaj des idolâtres de Quraysh, et qui refusent de croire en Ar-Rahman, et on pouvait profiter de cette occasion pour expliquer que c'est ici Al-Ilhad. Comme ça, ça va nous épargner de traduire ce mot-là, parce que même si, je suis convaincu que même s'il amène la traduction en français, ça ne va pas nous donner une compréhension plus claire de qu'est-ce que ce mot signifie vraiment. Donc c'est mieux de Al-Ilhad, le mot Ilhad, Al-Hidoun. Donc, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Ok, le verset c'est Al-A'raf, le verset surat 7, chapitre 7, verset 180. C'est Allah qui a parti. Oui. Non. Donc, il a traduit par profané. Mais en fait, ça ne traduit pas exactement la réalité de ce que signifie le mot yulhidun. Et, Inch'Allah, on va donner une explication en bas. Ok. Non. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Exactement. Et ça c'est une des exemples de ilhad dans les noms et les attributs d'Allah. Et on va voir que il y en a plusieurs différentes formes de ilhad. Ah ok, c'est la canne. Donc al-ilhad, le mot ilhad dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire al-mail. Hein? Ça c'est dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen. Le livre s'appelle Fath al-Rabb al-Bariyya li Taqlis al-Hamawiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya. Donc c'est comme on a expliqué le livre d'Ibn Taymiyya al-Hamawiyya. Et dans son explication, il donne une définition du mot ilhad. Ilhad c'est couramment traduit comme en langue française comme étant l'athéisme. L'athéisme. Parce que l'athéisme, c'est une forme d'ilhad. On va comprendre ce que ça signifie. Mais, comme on a vu dans la traduction du Coran en français, ils l'ont traduit comme étant profané. D'accord? Mais, on va voir que ça a plusieurs définitions. Donc, le cheikh, il dit, al-ilhad, c'est l'ura, al-mail. Dans la langue arabe classique, le mot ilhad signifie al-mail, c'est-à-dire avoir un penchant vers quelque chose qui penche. وفي الاصطلاح dans la définition terminologique dans l'islamique, terminologie de la religion musulmane, ça signifie الميل عما يجب اعتقاده او عمله وهو قسمان. Donc le cheikh dit dans la religion ça signifie d'avoir un penchant ou de s'éloigner ou de se détourner de ce qu'on doit obligatoirement croire ou faire. Et elle est dans deux catégories. C'est divisé en deux catégories. La première catégorie, ahaduhuma fi asma'illah wa thani fi ayatihi. Donc c'est divisé en deux catégories. Premièrement, c'est dans les noms d'Allah, l'ilhad dans les noms d'Allah, et deuxièmement, l'ilhad dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. D'accord? Donc la première catégorie, fa amma l'ilhad fi asma'ihi فهو العدول عن الحق الواجب فيها وهو أربعة أنواع وهو أربعة أنواع. En fait, le Cheikh il va l'expliquer aussi même dans ce livre. Ouais. نعم. Donc le premier catégorie de ilhad, c'est dans les noms d'Allah. Et elle a quatre catégories, ou quatre différentes formes. Ça signifie de se détourner de la vérité qui est obligatoire au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et elle a quatre différentes manifestations ou façons d'être faites. Le premier, c'est de rejeter quoi que ce soit des noms d'Allah, ou de ses attributs, comme font Al-Mu'attila. Al-Mu'attila, c'est Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, ceux qui nient ou qui transforment le sens des attributs d'Allah, on les appelle Mu'attila. Et Mu'attila, ça vient du mot Ta'til. Et Ta'til, ça veut dire rendre quelque chose inutile ou vain. Hein? Comme par exemple, tu dis un puits qu'on n'utilise plus. Mu'attal, c'est-à-dire il est plus utilisé, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau dedans. C'est de là que ça vient le mot ta'til. Donc, c'est comme s'ils essaient de rendre Allah subhanahu wa ta'ala comme étant inutile. Comme s'il ne sert à rien, comme s'il n'est plus là. Comme s'il n'est rien. C'est exactement ça le sens. Comme notre cheikh de la Belgique l'a expliqué l'autre fois, il essaie de faire Dieu comme étant une chose abstraite, qui a plus aucune réalité. Hein, c'est un peu ça le sens en général. Donc ça c'est la première signification, c'est de nier complètement ou une partie de ce que signifient les attributs d'Allah. Deuxièmement, que tu prennes tes noms et que tu essaies de dire que ça implique une ressemblance ou que c'est une ressemblance à la création d'Allah, comme font Al-Mushabbiha. Il y a un autre groupe qui sont à l'opposé de Al-Mu'attila, ce sont Al-Mushabbiha. Ceux-là sont des gens qui disent Dieu est comme sa création, il ressemble à un homme ou il est comme un homme, etc. Donc ceux-là sont à l'autre extrême. D'accord? Ça c'est une autre forme de ilhad. La troisième c'est an yusamma Allah bima lam yusam bihi nafsa li anna asma Allah tawqifiyya ka tasmiyat an-nasara lahu aban wa tasmiyat al-falasifa iyyahu 'illatun fa'ila bien al-qadim wa des choses comme ça. Donc il dit le troisième c'est le fait de nommer Allah par un nom qui ne s'est pas donné à lui-même dans sa révélation, comme par exemple les chrétiens qui appellent Dieu comme étant leur père, ou de l'appeler comme étant l'ancien. Les philosophes, quand ils parlent de Dieu, ils l'appellent Al-Qadim, c'est-à-dire l'ancien. Et yani, subhanallah, ils pensent qu'en mentionnant Allah comme étant Al-Qadim, c'est une description qui est meilleure que les descriptions qu'Allah a données de lui-même dans le Coran. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il signifie par l'ancien ou qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est plutôt qu'il est le premier et le dernier. Et ça, c'est le nom qu'Allah s'est donné dans lui-même. Ou al-awwal ou al-akhir. C'est le premier et le dernier. C'est-à-dire, avant lui, il n'y avait rien, et après lui, il n'y aura jamais rien. Donc, c'est le premier et le dernier. Il n'a pas de lui, il n'a pas de fin, et il n'a pas été engendré, et il n'engendre pas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui est comparable à lui, ou égal à lui, ou semblable à lui. D'accord? Donc, les philosophes aussi l'appellent illatul fa'ila, ou d'autres noms, l'architecte, ou d'autres, des gens l'appellent l'architecte, ou l'appellent d'autres sortes de noms, comme les francs-maçons, ils appellent Dieu l'architecte, ou d'autres choses comme ça, ou, donc ça c'est pas des noms qu'Allah s'est donné à lui-même, donc on n'a pas le droit de mentionner ces noms, de l'appeler de cette façon, parce que on doit se limiter à ce qu'Allah nous a révélé. Quatrièmement, c'est-à-dire d'extraire de ces noms des noms qu'ils ont donné à, qu'ils donnent aux idoles, par exemple, quand ils ont pris comme l'exemple qui est écrit dans la note de le bas de page dans la traduction du Coran des Arabes Saoudites au verset qu'on a mentionné, c'était l'exemple qu'ils ont extrait ou ils ont sorti yani, du nom Allah, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala min al-ilah, et Al-Uzza, ils l'ont pris de Al-Aziz. Donc, ça c'est une forme d'ilhad, yani. Comme le Cheikh dit, un yushtaq min asma'ihi, asma'un lil-asnam, kashtiqaq, ishtiqaq Allah min al-ilah, wal-Uzza min al-Aziz. Donc, ça c'est des exemples d'ilhad dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ilhad, dans la création d'Allah ou dans ses signes, ça se manifeste de différentes façons. Le Cheikh dit, أما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيبها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. أما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين أو معين له فيها. Donc le Cheikh dit en ce qui concerne l'ilhad dans les signes d'Allah, alors ça peut être soit dans les signes de la charia d'Allah qu'il a fait amener par les messagers dans les règles et les choses qui nous a informées, dont ils nous ont informé, et aussi ça peut être dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et donc en ce qui concerne l'ilhad dans les règles de la charia, c'est d'essayer de les déformer, de changer la réalité, ou de les dénier, ou de désobéir à ces règles. Et en ce qui concerne l'ilhad dans les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de les attribuer à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, d'attribuer la création d'Allah à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a un partenaire dans la création, ou quelqu'un qui peut lui venir en aide ou le supporter dans la création. Celui qui croit ça, il a fait une forme d'ilhad. Et c'est dans ce sens-là, et en est d'après moi, que lorsque les gens traduisent le mot athéisme par le mot ilhad, c'est en ce qui concerne l'ilhad dans les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de là qu'ils ont pris la traduction pour dire que c'est par ce mot-là qu'ils utilisent. C'est ce mot-là qu'ils utilisent pour décrire les athées, les al-mulhidoun. D'accord? Mais là, comme on a vu, le mot ilhad est beaucoup plus large que simplement, que le mot athée ou athéisme. Ça veut dire beaucoup plus de choses que ça. C'est pas nécessairement une personne qui nie l'existence d'un Dieu, ou de Dieu tout ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui nie quelques attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans nier son être au complet, comme certaines personnes parmi les gens de la fond. Ils disent pas que Dieu existe pas, sauf qu'ils nient certaines de ses attributs. Mais on croit en Allah, sauf qu'on ne croit pas qu'il fait ça, qu'il est comme ça, qu'il est comme ça. Hein? Et ça équivaut à quoi? Ça équivaut à renier Allah subhanahu wa ta'ala au complet. Que tu ne peux pas accepter certaines des choses qu'il te dit sur lui-même et rejeter d'autres sans avoir une base. Et comme je lisais aujourd'hui, dans un autre livre d'explication, il disait que avant la bid'a de ces gens-là, avant la bid'a de Jahmiya, de Mu'tazila, de Asha'ira, on peut résumer ça comme, en les décrivant comme étant Al-Mu'attila, avant la bid'a de cette bid'a de Ta'atil, il y a eu d'autres bid'a qui sont venues. Il y avait en premier la bid'a des Khawarij, après il y a eu Inkar al-Qadr, ceux qui ont nié la prédestination, après il y a eu la bid'a des Shi'a. Après, il y a eu la bid'a c'est-à-dire qu'il y a eu aussi l'autre, c'est le murji'a, ceux qui disent que les actions ne font pas partie de la foi, hein. Et donc, il y a eu plusieurs bid'a qui sont venus avant, mais dans toutes ces bid'a ou ces sectes qui sont venus avant, il y avait toujours un certain respect des révélations, un certain respect du Coran et des textes. Tandis que la bid'a des Jahmiyyah ou des Mu'attila, c'est la première bid'a qui est apparue, elle est venue à la toute fin, c'est la dernière qui est apparue, mais elle est venue, non, cette bid'a-là, elle n'est pas venue avec un respect du texte, du Coran et de la Sunna. Elle est venue pour, en s'opposant au texte, en se basant sur une philosophie, sur une idée. Mais ils essaient d'opposer la révélation par des, soit disant, arguments logiques, des arguments soit disant rationnels, pour essayer de s'opposer à ce que Allah avait révélé. Et ça, c'est ça qui vient expliquer pourquoi elle est si, c'était si dangereux comme bid'a. Et aussi, ça, y a une autre raison, c'est que cette bid'a-là, elle est centrée sur la personne d'Allah, c'est-à-dire elle tourne autour de du sujet de Allah et de ses noms et de ses attributs, et c'est donc pourquoi elle est si dangereuse par rapport à toutes les autres, parce qu'elle attaque le cœur même de la croyance islamique et la base même de l'islam, l'iman billah. Donc c'est ça. Donc le cheikh il dit, donc le verset qu'il a mentionné, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses noms. Et laissez ceux qui font l'ilhad dans les noms d'Allah, parce qu'ils seront récompensés, ils seront punis selon qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein? Et après le cheikh il dit, فَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Donc Allah, il s'est affirmé pour lui-même les noms les plus beaux. Et il a ordonné aux gens de l'invoquer par ces noms-là. D'accord? Alors le cheikh il pose une question très importante et il dit, alors comment on peut penser que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de l'invoquer par ces noms-là, alors qu'on n'est pas capable, alors qu'on ne serait pas capable de les comprendre selon ce que disent les gens de bid'a. Ils disent qu'on n'est pas capable de comprendre le sens des noms des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi il nous demande de l'invoquer par ces noms? Hein? Et pourquoi il nous demande de l'invoquer par ce nom-là, puis وَتَوَاعَدَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَيُنْفُونَهَا أَوْ يُؤَوِّلُونَهَا عَنْ مَعَانِيهَا الصَّحِيحَةِ. يعني الله سبحانه وتعالى أمام منافي سوكي qui font l'ilhad, yani qui déforment les noms ou qui nient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui les interprètent d'une interprétation qui est contraire à leur vraie signification, qu'il va les récompenser pour leurs actions par un dur châtiment, comme il les a déjà décrits dans le verset qu'on avait mentionné avant, où Hum yakfuruna bir-Rahman, il les a décrits avec la description de la mécréance, c'est-à-dire Al-Kufr. Il a dit « Yakfuruna bir-Rahman », c'est-à-dire « il mécroit » ou « il rejette la foi en Ar-Rahman ». Donc, « فَلِهَذَا كَفَّرَ الْجَهْمِيَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ». Donc, beaucoup des gens de Ahl al-Sunnah ont… beaucoup des savants et des imams de Ahl al-Sunnah ont déclaré al-Jahmiyyah, la secte de Jahmiyyah, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah en entier, ils les renient, alors ils les ont déclarés comme étant des non-musulmans. Et même qu'ils les ont même pas considérés comme faisant partie des 73, des 72 sectes qui vont aller en enfer. Parce que, en fait, quand on mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les juifs et les chrétiens se sont divisés en 71 et 72 sectes, et que les musulmans se sont divisés en 73, ça ne veut pas dire que les 72 sectes qui seront dans l'enfer sont en dehors de l'islam. Ça veut dire que ce sont les 72 sectes parmi les musulmans qui vont aller en enfer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront en dehors de l'islam, parce que s'ils seraient en dehors de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les aurait pas décrits comme étant faisant partie de sa Ummah. Hein? Donc les 72 sectes c'est très important de comprendre qu'on ne dit pas qu'elles sont complètement en dehors de l'islam. On dit qu'elles sont parmi les musulmans, sauf qu'elles font partie des gens de Bid'ah, font partie des innovateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les punir pour ces innovations-là, et il peut les laisser dans l'enfer une certaine durée de temps, qu'on ignore exactement la durée, sauf qu'il est certain que s'ils font partie de ceux qui ont dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et qui n'ont pas fait de shirk, c'est certain qu'ils vont sortir de l'enfer un jour ou l'autre quand même. D'accord? Donc on ne dit pas que ces 72 sectes sont des mécréants et qu'ils sont en dehors de l'islam. D'accord? Et ça c'est très important de comprendre ce hadith-là. On dit qu'ils sont des gens de bid'a et qu'ils font partie de la umma, sauf qu'ils sont des gens qui sont égarés et déviés. Il y en a parmi ces sectes-là que leurs bid'a les ont poussés à tomber même dans la mécréance. Ceux-là sont sortis des 72 sectes. Mais ça ne veut pas dire que si on dit que quelqu'un fait partie d'une secte et qu'il a une bid'a, qu'automatiquement il va être en dehors de l'islam. Ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Donc, Al-Jahmiya, ça c'est un des cas qui fait partie des exceptions, parce que les ulama, presque tous les grands ulama de l'époque, ils ont tous déclaré que Al-Jahmiya sont en dehors de l'islam. Donc, ils font même pas partie des 73, des 72 sectes qui vont aller en enfer. Donc, pour eux, là, c'est des mécréants complètement en dehors de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils nient Allah lui-même. Ils nient tout ce qui a rapport avec Allah et les versets, les hadiths qui se rapportent au nom et aux attributs d'Allah. Donc, les ulama et les salafis, vous lisez les livres, comme par exemple, Kitab al-Sunnah, de l'imam Abu Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunnah. Il a mentionné les citations des ulama, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Ishaq ibn Rahouya, Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Malik, et tous les grands imams de cette histoire. Et il a cité que yani, ces gens-là ne sont pas ils font pas partie des musulmans. Et qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? C'est dire que Dieu est rien. C'est ce qu'ils veulent dire en fait. Et si tu écoutes la réalité de ce qu'ils disent, la conclusion c'est que Dieu est rien, Dieu n'existe. Dieu n'existe même pas en fait pour eux, selon ce qu'ils disent. Donc, le cheikh a mentionné les paroles de l'imam Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya dans un de ses livres qu'il a écrit, qui s'appelle An-Nuniyya. En fait, c'est un livre qu'il a écrit entièrement en poème. Et qui est entièrement en vers de poème. Il est environ autour de 6000 vers, tout en poésie. Et chaque vers termine par un. Ok? Pour vous donner un exemple. Voilà, قد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. Ça finit par un. Et chaque vers dans le poème finit par un. Hein? ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. Donc à chaque verset ça finit par Ani. J'avais appris quelques passages de cette qasida, mais je ne sais pas si je m'en rappelle, mais ça avait rapport avec les explications de la définition de Al-Istiwa. Non. Barakallahu fiq. Ça c'est vrai. Qu'est-ce que le frère dit que il y a des gens qui interprètent le verset qui mentionne le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Ils interprètent ça comme voulant dire que tu dois mentionner certains de ces noms un certain nombre de fois par à certains moments de la journée ou à certaines occasions, mais qu'ils peuvent rester assis, seuls ou en groupe, à voix basse ou à haute voix, et en train de réciter un des noms d'Allah, Allah, Allah, Allah, ou Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, réciter ça comme 1000 fois, 100 fois. Et alors que, en fait, c'est pas, si on regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il n'invoquait pas Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là. Lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala avec une phrase qui a une signification, avec une invocation, une glorification pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou une demande. Mais il n'invoquait pas Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par, en mentionnant son nom. C'est comme certains des ulama, ils disaient, quand tu appelles quelqu'un, il dit Baba, Baba, Baba, ou bien Hamza, Hamza, Hamza, Hamza. Est-ce que ça a une signification? Si je mentionne ton nom comme ça, non, ça n'a aucun sens en fait. Et donc, si je te dis, par exemple, Alhamdulillah, là il y a un sens, c'est une glorification. Si tu dis Allahumma firli, là il y a une signification. Et si tu regardes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il invoquait Allah, il y avait toujours un sens. Il y avait toujours une façon, comme, soit pour glorifier, soit pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Et c'est pas juste de réciter le nom, sans se baser sur. C'est pour ça que les versets du Coran, il faut retourner à la sunna pour les comprendre. Pour regarder l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les suivre, et non suivre l'exemple des, par exemple, certains, par exemple, chez les soufis, ils font souvent ces choses-là. Et même, ils ont donné à certains des noms d'Allah, une valeur numérique. Et, ils disent, par exemple, chaque lettre a une certaine valeur. Et, ce nom-là, il a une valeur de tel nombre. Et si tu le récites après telle prière, et que tu bois un verre d'eau, ou tu fais telle chose, eh ben, tu vas être guéri de telle maladie, ou des choses comme ça. Alors que, si tu leur demandes, où est-ce qu'elle est la preuve de ces choses-là? Est-ce qu'il y a un ayat dans le Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve ces choses-là? Ils n'ont aucune preuve. Et ils vont dire, ah, mais c'est notre cher qui nous a prescrit de faire ces choses-là, et il nous a dit que ça c'est bon, et lui, il a eu un rêve, et dans son rêve, il a vu telle chose. Alors, Yanni, c'est comme pour expliquer que ces gens-là, ils ne se basent pas sur une preuve, ils se basent sur des rêves pour établir leur religion. Leur religion, en fait, n'est pas fondée sur les bases de l'islam, ni le Coran et la Sunna. D'accord? Et comme sûrement le cheikh, il va le mentionner, c'est pour ça que je n'ai pas élaboré là-dessus, parce que c'est à ce point-là qu'on est rendu. Et juste pour vous expliquer qu'est-ce que l'imam Ibn Qayyim, il a dit dans ce passage, dans ces deux vers que le cheikh a mentionné, c'est que beaucoup des imams, environ les khamsouna, khamsouta'achar, il y en a 15 parmi les ulama des différents pays, ont déclaré al-dernier comme étant du kuffar. Et l'imam al-Lakai, il l'a mentionné, et aussi l'imam al-Tabarani. Et l'imam al-Lakai, c'est un des imams des a'immas d'Ahl al-Sunna wal-Jama'a. Et cet imam, il a écrit un livre qui s'appelle Usul i'tiqad Ahl al-Sunna wal-Jama'a. Et dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a fait, le cheikh al-Lakai? Il a mentionné toutes les citations, les rapports des salafs au sujet de la sunna et au sujet des gens de Bid'a. Il les a soutenus par sujet et par citation et par... C'est un livre vraiment, mashallah, il a plusieurs volumes, et puis c'est un des livres les plus importants au sujet de l'aqidah, le salaf. C'est une référence dans le sujet de la foi des salaf. Et l'imam Tabarani, c'est aussi un des grands ulama des hadiths. Après, le chef dit « Wujub ihtiram asma'illahi subhanahu wa ta'ala » l'obligation de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Qala Allahu ta'ala »« Walillahi l'asma'ul husna »« Fad'ouhu biha »« Wazaru allazina yulhiduna fi asma'ihi »« Sayujzawna ma kanu ya'maloun » وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى نعم قال تعالى donc le cheikh il dit Allah صلى الله عليه وسلم et c'est pas Allah qui appartient les plus bons noms, alors invoquez-le par ces noms là et laissez ceux qui font l'ilhad et qui nient les noms d'Allah صلى الله عليه وسلم car ils seront rétribués selon ce qu'ils ont fait, selon ce qu'ils vous œuvraient. Et il dit aussi un autre verset dans lequel Allah a dit, Allah, nul ne mérite d'être adoré excepté lui, à lui appartient le plus beau nom. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ أَسْمَاءَهُ حُسْنَى أي حسان قد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال فهي أحسن الأسماء وأكملها وأسماؤه سبحانه توقيفية فلا يجوز لنا أن نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que ses noms sont les plus beaux. Et yani al-husna ça signifie hisan. Et hisan ça veut dire quelque chose qui est arrivé à l'extrême dans la beauté, la plus grande forme de beauté. Et il n'y a rien qui soit plus beau que ses noms. Yani. Alors, pourquoi? Parce que ces noms impliquent des attributs de perfection et de majestuosité, ou de majesté. Alors, ce sont les plus beaux noms et les noms les plus parfaits. Et ces noms sont tawqifiyya. Tawqifiyya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit s'y référer à la révélation pour les connaître. On ne peut pas les connaître uniquement par la raison. D'accord. فلا يجوز لنا أن نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, il n'est pas permis pour nous de le nommer, excepté par ce qu'il s'est nommé lui-même ou son messager صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فادعوه بها أي اسألوه وتوكلوا إليه بها كما تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Yani, en ce qui concerne la parole d'Allah dans ce verset, alors invoquez-le par ces noms-là, et ça signifie, demandez-lui et cherchez un moyen d'arriver à son agrément par ces noms-là, en les mentionnant et en invoquant, comme par exemple le fait de dire, Oh Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde, c'est toi, certes, le pardonneur et le miséricordieux. وأسماؤه سبحانه كثيرة لا تحصر ولا تحد بعدد منها ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux et qu'ils ne peuvent pas être réellement délimités par un nombre, parce qu'il y a parmi les noms d'Allah, comme on sait qu'on dit souvent que Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, d'accord? Sauf que ça fait partie des noms que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait connaître par son messager et par yani, la révélation, mais il a d'autres noms qu'il ne nous a pas révélés. Hein. Et ça, on sait ça, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça dans un hadith authentique, et donc il y a des noms qu'aucun ange rapproché ne connaît, ni aucun des messagers envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala n'a connaissance. Et ça, c'est basé sur un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en disant, je te demande, oh Allah, je te demande, par tous les noms qui sont à toi, tous tes noms que tu t'es nommé toi-même, par lesquels tu t'es nommé toi-même, sammayta bihi nafsak, ou anzaltahu fi kitabik, ou que tu as envoyé ou révélé dans ton livre, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu en as informé un d'entre tes créatures, ou istasarta bihi fi ilm al-ghayb 'indak, ou que tu as préservé dans sa connaissance de l'invisible auprès de toi. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas informé. Il l'a préservé, il l'a gardé auprès de lui. Hein? Ça, c'est la preuve que Allah, il a d'autres noms que les 99 noms qu'il nous a fait connaître. Mais que, il ne les a pas tous révélés. Et ça, c'est, ça nous montre que Allah, il est très grand. Et que, il a des noms, peut-être qu'on ne peut même pas imaginer. Hein? Subhanallah. Donc, قال الإمام ابن القيم رحمه الله فجعل أسماءه ثلاثة أقسام قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه تعرف به إلى عباده وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. Donc, le chef dit que il y a trois catégories parmi les noms d'Allah. Une catégorie, c'est celle par laquelle il s'est nommé et qu'il a fait connaître à qui il veut de ses anges ou d'autres que ses anges et qu'il n'a pas révélé dans ses livres. Une autre catégorie, c'est des noms qu'il a révélés dans son livre et par lesquels il s'est fait connaître à ses serviteurs. Et une autre catégorie, c'est la catégorie qu'il a préservée auprès de lui ou pour lui dans sa connaissance de l'inconnu ou de l'invisible, et qu'il n'a laissé personne parmi ses créatures connaître. Il n'a laissé personne connaître ces noms-là, parmi ses créatures. وقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي أعرض عنهم واتركوهم يعني en ce qui concerne le verset laissez ceux qui nient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie détournez-vous d'eux et laissez-les tomber ces gens-là. فإن الله يتولى جزاءهم Allah subhanahu wa ta'ala il va se charger de les rétribuer selon ce qu'ils méritent. ومعنى يلحدون في أسمائه إلى signification de يلحدون في أسمائه الحد qu'est-ce que ça signifie يميلون بها بحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها والإلحاد بأسماء الله أنواع. Donc là, qu'est-ce que le cheikh il va faire, il va définir qu'est-ce que le mot الحد signifie en quatre catégories, comme on l'a expliqué au tout début. J'ai comme précédé le chef dans l'explication, mais le fait de le relire, ça va être comme une sorte de clarification pour nous. Finalement, à cause de mon examen, ça s'est tombé à l'eau. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à écrire les questions pour l'examen. Mais à mesure que je commençais à écrire les questions, j'ai réalisé qu'on a tellement vu de matière que, je ne sais même pas combien j'allais poser de questions. Réellement, ça allait être beaucoup de questions si j'allais couvrir toute la matière. Donc, je pense que, comme Moukhtar m'avait dit que c'est mieux de faire des CD pour donner les copies aux frères pour leur donner la chance de reviser ou de voir qu'est-ce qu'on avait appris jusqu'à maintenant. Donc, je pense que ça, c'est maintenant que j'ai diminué le nombre de débit du poids des fichiers. Comme ça, je peux tous les mettre dans un seul CD. Et donc, c'est plus facile pour les gens qui veulent reviser. Et puis, après, on va commencer. Je pense qu'on va faire comme chapitre par chapitre. Sinon, tout d'un coup, là, ça va être au moins une centaine de questions. Et c'est des questions à développement, donc il faut faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça. On n'était pas supposé de laisser tant de temps passer avant qu'on fasse des tests. Il aurait fallu qu'on les fasse comme par exemple à chaque mois, on fait un résumé ou un survol de ce qu'on a déjà appris pour pour poser des questions pour voir si la matière a été bien comprise. Mais comme maintenant là, Inch'Allah, j'ai des questions que j'ai déjà écrites, je sais pas si je les ai avec moi, mais j'en avais écrit déjà. Oui, avec ce CD que vous avez déjà là, vous êtes capable de répondre à des questions. Mais ceux qui n'en ont pas, on va l'en faire. On va l'en faire. Moussa m'a donné des CD vierges, donc on va faire des copies. On va faire ça, on va voir qui sont les grands de l'air parmi nous, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc le cheikh il dit, وَمَعْنَا أَنْ يُلْحِدُونَ فِي أَثْنَائِهِ أَيْ يَمِيلُونَ بِهَا وَبِحَقَائِقِهَا وَمَعَانِيهَا عَنِ الْحَقِّ الثَّابِتِ لَهَا وَلِلْحَادِ بِأَثْنَاءِ اللَّهِ أَنْوَاعِ. Donc, la signification de la parole d'Allah SWT, وَيُلْحِدُونَ فِي أَثْنَائِهِ, c'est-à-dire ils font l'ilhad dans ses noms, ça signifie ils tombent ou ils détournent, ils se détournent yani, dans ses noms de la réalité de leur signification. Yani, ils se détournent de la vérité à leur sujet. Et yani, l'ilhad au sujet des noms d'Allah, elle a différentes formes et il mentionne quatre. أحدهما أن يسمى بها الأصنام كتسميتهم اللات من الإله والعزة من العزيز وتسميتهم الصنم إلها. Donc le cheikh il mentionne un exemple qu'on a mentionné même dans le bas de la note de page dans la traduction du Coran en français. Ils appellent leurs idoles comme des noms qui sont extraits des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple اللات, ils le prennent de Al-Ilah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Al-Uzza, ils le prennent du nom d'Allah Al-Aziz. Hein? Ou bien, ils appellent leurs idoles, ils les appellent des dieux, des divinités. Et ça fait partie de l'ilhad. Le deuxième, c'est Tasmiyatuhu bima la yaliqu bi jalalihi ka tasmiyatin nasara lahu aban. وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع. يعني le fait que les chrétiens par exemple l'appellent par des noms qui ne correspondent pas à sa grandeur, comme par exemple le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par le nom le Père, Dieu le Père. Ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Trois dieux en un. Donc ça c'est une chose qui fait partie de l'ilhad. Ou bien que le nom que les philosophes donnent à Dieu, Moudiban Bidati, c'est quelqu'un qui est obligé d'exister par dans son être. Ils ont des façons de décrire Allah. Quand j'essaie de traduire ça en français, on dirait que ça sonne bizarre. Moudiban Bidati, il est obligé d'exister par lui-même. C'est comme il est obligé d'exister parce que il se base sur des arguments rationnels. Mais c'est de dire, bon, s'il n'existe pas, personne, rien d'autre peut exister. Donc il est obligé qu'on affirme son existence pour pouvoir affirmer l'existence de votre créateur. C'est un peu le raisonnement de Descartes. Je pense donc je suis. Et donc, en tout cas. L'affaire de philosophie, là. La troisième catégorie de ilhad, وَصْفُهُ بِمَا لَا يَتَعَالَ عَنْهُ وَيَتَقَدَّسُ مِنَ النَّقَائِفِ كَقَوْلْ أَخْبَثُ الْيَهُودِ إِنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ إِنَّهُ اِسْتَرَاحَ يَوْمِ السَّبْتِ وَقَوْلُهُمْ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. C'est-à-dire de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par des termes qui impliquent une faiblesse ou qui rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait que les juifs ont dit à propos d'Allah qu'il est pauvre, ou qu'il s'est reposé le septième jour, hein, comme si Allah avait besoin de se reposer, d'accord. Donc il était fatigué, donc il était fatigué d'avoir créé le monde, alors le septième jour il s'est reposé, ça c'est une insulte pour Allah. C'est pour ça que Allah a récité les Juifs dans le Coran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. On a créé les cieux et la terre en six jours et aucune fatigue ne nous a atteint. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a récité les Juifs dans le Coran à ce sujet-là. Et aussi au sujet du fait qu'ils ont dit يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا. Ils ont dit que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fermée. Allah subhanahu wa ta'ala est comme il ne veut pas donner de ses biens à sa créature. Et Allah, il répond aux Juifs en disant, Rullat aydihim, wa lu'inu bima qalu. Yani, que leurs mains soient fermées. Et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Yani, bal yadahum absoutatani, yunfiqu kayfa yasha. Et ses deux mains sont grandes ouvertes et il donne de sa subsistance à qui il veut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il a puni les Juifs en rendant leurs mains, yani, avares. Ils sont devenus avares à cause de ça. Yani, le fait qu'ils ont mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a été comme ça, Allah, il l'a retourné contre eux et maintenant tu les vois comment ils sont avec l'argent. Donc, c'est comme si c'était la punition d'Allah, yani, qui retombe sur eux, en fait. Et ils ont été maudits à cause de ça. Il mentionne la quatrième catégorie. الرابع تعطيل أسماء الحسنى تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد أو جحد حقائقها أو جحد حقائقها كقول الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع السميع البصير ويقولون لا سمع له ولا بصر مثلا وهذا من أعظم الإلحاد فيها أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا وهو يقابل إلحاد المشركين فإن المشركين أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوا كماله وعطلوا أسماءه وصفاته. Donc le cheikh dit la quatrième exemple c'est le fait qu'il de nier les noms, les beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les faire leur enlever leur signification et de rejeter leur réalité, qu'est-ce qu'elles impliquent. Comme par exemple les Jahmiya et ceux qui les ont suivis, ils ont dit que ce sont des mots vides de sens. C'est-à-dire c'est des mots, mais ces mots-là n'ont aucune signification. Et elle n'implique aucun attribut et aucune signification. Donc, comme par exemple, lorsqu'on dit par exemple qu'on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on doit croire en ce que ce nom-là signifie et en ce qu'il implique comme signification. Par exemple, tu dois adorer Allah par ce nom-là. Comme par exemple, si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Basir, tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce nom-là comme un de ses noms et qu'il a une voix, qu'il a une vision et tu dois croire en ce que ce nom-là implique et cet attribut-là implique, c'est-à-dire qu'il voit tout. Et la façon dont on peut appliquer cet attribut-là dans notre croyance, c'est du fait que lorsque on sait qu'il nous voit en tout moment, lorsque personne n'est présent, eh ben, on pourrait dire, bon, par exemple, il y a une somme d'argent devant nous, et il n'y a personne autour pour savoir si on l'a pris ou non. Alors, on pourrait dire, yani, on peut le prendre parce que personne va nous blâmer ou nous mettre en prison ou nous faire du problème à cause de ça. Sauf qu'on croit que Allah est Al-Basir, qu'il nous voit. À cause de ça, on le prend pas parce qu'on croit qu'il nous voit. C'est un exemple. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أن محمد رسول الله. قاما محمودا الذي لا أستطيع. نعم. Donc, comme on disait, يقولون يعني. Donc, on doit adorer Allah par ses noms. En tant qu'Allah سبحانه وتعالى, par ses noms, on doit l'adorer par ses noms aussi, et par ce que ses noms impliquent. Et le chef il dit que يعني ces gens, par exemple Al-Jahmiya, et ceux qui les ont suivis, ils disent que ces noms-là sont des noms qui n'ont aucune signification. Donc quand ils disent par exemple que Allah est As-Sami', c'est-à-dire celui qui entend tout, et Al-Basir, et c'est celui qui voit tout, eux ils disent il n'a pas d'ouïe, c'est-à-dire il n'entend pas, et il n'a pas de vue, il ne voit pas rien. Ou bien il voit mais sans vue, et il entend sans ouïe. Hein, c'est des contradictions en fait. Par exemple, donc ça c'est des exemples de ce qu'ils disent. Et donc ça c'est la plus grande forme d'ilhad. Dans la raison, c'est ni logique et ça n'a aucune référence dans la charia non plus, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça vient exactement en accord avec ce que les mouchriquins faisaient, ou bien ça vient en comparaison avec ce que les mouchriquins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en donnant à leurs idoles des noms qui sont extraits des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ceux-là, par exemple, les Jahmiyyah, ils viennent et ils enlèvent toute la perfection et le sens qui sont dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prennent les noms et les attributs d'Allah et ils les vident, ils les extraient de leur sens. Hein. Donc ça, c'est une des plus grandes formes du had. Donc le cheikh dit والواجب إثبات أسمائه واعتقاد ما تدل عليه من صفات كمال من صفات كماله ونعوت جلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le cheikh dit l'obligation, notre devoir, notre obligation c'est quoi? C'est d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en ce qu'ils impliquent comme signification, comme étant des attributs de perfection et de majesté, et on n'a pas le droit de les déformer, de déformer leur sens, et on n'a pas le droit de les vider non plus de leur sens et de nier leur réalité, et on n'a pas le droit non plus de demander comment sont ces attributs. Par exemple, on n'a pas le droit de demander comment est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est, par exemple, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de demander à propos d'Allah le comment, de comment il est. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'imaginer. Et tout ce qu'on va imaginer, ça ne sera pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera quelque chose de sa création. Et la preuve qu'on n'a pas le droit de l'imaginer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa kamithlihi shay'un, il n'y a rien qui soit pareil à lui ou qui lui ressemble, il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir, d'accord, donc il voit, il est celui qui voit tout, il est celui qui entend tout, mais il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Donc même si Allah subhanahu wa ta'ala dit on va en venir à ça plus tard, c'est que le fait qu'on doit affirmer qu'Allah a des yeux, qu'il a les mains, qu'il est comme il s'est décrit lui-même dans le Coran. Mais on ne doit pas croire que ça implique une ressemblance avec la création. que Allah subhanahu wa ta'ala, il a les attributs qui correspondent à sa grandeur et à sa majesté. Et on va voir ça plus en détail. Et le chef il dit, وَالْوَاجِبُ إِحْتِرَامُ أَسْمَائِهِ وَمِنْ أَنْ يُسَمَّى بِهَا غَيْرَهُ وَذَلِكَ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ. Donc l'obligation c'est de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'appeler, c'est-à-dire qu'on ne doit pas appeler autre que lui de la façon qu'il s'est appelé lui-même, par ses noms à lui, et ça, ça fait partie de l'application du tawhid dans la réalité de son sens. Donc on va s'arrêter ici, et puis on va pouvoir continuer la semaine prochaine, bi'idhnillah, avec plus d'explications, et plus d'exemples, et plus de clarifications, inshallah ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.